Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée « Inégalité ». C'est un sujet que j'aborde assez souvent, mais je crois qu'il faut toujours se répéter par rapport aux inégalités qui sont gigantesques dans notre société. Le débat qui s'ouvre aux citoyens n'est-il pas biaisé dès le départ ? En effet, les questions posées par le président de la République aux Français laissent planer un doute sur ses véritables intentions. Puis la suite donnée, bien sûr. De surcroît, pour une majorité de nos concitoyens, Macron n'est plus crédible. Comment celui qui a mis en œuvre des réformes qui ont mis à mal les droits des travailleurs, les libertés démocratiques et diminué le pouvoir d'achat d'un grand nombre de Français, peut-il faire marche arrière, amende honorable et rétablir un équilibre entre les revenus du capital et les revenus issus du travail ? C'est la question qui doit être posée. Partout en Europe, le transfert des revenus primaires, salaires, revenus de remplacement, retraites, prestations sociales, vers les revenus du capital a été une réalité douloureuse. Ce sont les moins bien lotis qui ont payé la note, celle d'une politique ultralibérale qui a renforcé les inégalités. Que ce soit en France ou en Allemagne. Il y a 15% de pauvres en Allemagne, 14% en France. Les gouvernements européens ont fait la politique du pire en faisant payer une crise du capitalisme de nature essentiellement financière et environnementale par la majorité des citoyens de leur pays. À de rares exceptions près, cette politique du pire a fait basculer des pays à gauche ou susciter des mouvements de colère qui sont traduits par une remontée des forces de gauche. La plupart des citoyens de ces pays ont préféré élire des néofascistes qui n'ont eu de cesse de diviser pour régner, avec souvent l'appui des médias, les qualifiant de populistes. J'ai horreur de ce terme. Or, ces nouveaux dirigeants, pas si nouveaux en Pologne ou en Hongrie, ont joué la division, l'ostracisme envers les immigrants, pour faire croire que refouler les migrants pouvait résoudre les problèmes intérieurs du pays. On se croirait dans les années 30. Jeter le trouble, la division, rendre les étrangers responsables des maux causés par un capitalisme de plus en plus sauvage et prédateur, est l'enjeu de ces gouvernements d'extrême droite, qui se soucient du sort de leurs travailleurs. Pour preuve récente, les mesures antisociales concernant les heures supplémentaires, mesures prises par le gouvernement d'Orban en Hongrie. Macron, quant à lui, poursuit une ligne ultralibérale visant à appauvrir une grande partie des citoyens au profit du pouvoir économique, dont les actionnaires des entreprises du CAC 40, qui ont vu leurs dividendes augmenter de manière importante, bilan de l'année 2018. Le tour de force de la plupart des médias est de faire croire à la sincérité de Macron et de situer sa politique au centre, voire au centre-gauche. Cette façon d'analyser une politique économique droitière que ne désavouent pas les Républicains et même le FN, est particulièrement malhonnête de la part de ces médias. D'autant plus que Macron, il l'a dit, n'entend pas changer ni renoncer à ses réformes antisociales, dont celle de l'assurance chômage, qui est déjà dans les tuyaux, et des retraites, et encore moins rétablir l'ISF sur les fortunes financières. De même, le gouvernement entend mener à bien son plan santé, y compris par ordonnance, pour mettre à mal nos hôpitaux publics et restreindre encore davantage l'accès aux soins dans le monde rural et montagnard. Enfin, comment croire à une évolution positive d'un gouvernement dominé par des technocrates au service du pouvoir économique bien entendu, très influé par des lobbies qui font pression sur nos gouvernants à Bruxelles ou ailleurs. Je terminerai cette chronique par l'évocation d'un article de Libé concernant les salaires des hauts fonctionnaires, pour donner quelques chiffres qui sont certes loin de donner le vertige, comme ceux pratiqués chez des leaders de l'industrie, du commerce, des services, de certains artistes du spectacle, ou même des présentateurs télé, et du monde du sport professionnel, mais qui sont tout de même conséquents. Encore faut-il ajouter que ces chiffres peuvent être à la portée des citoyens, mais qu'en est-il des revenus vertigineux des autres nantis du système qui cumulent 60% du patrimoine. Voilà, alors quelques chiffres quand même que je vais donner. Donc, alors le président de la République, contrairement bien sûr à ce que l'on pourrait croire, n'est pas le plus gros revenu de l'État, hein, puisqu'il gagne, il gagne 13 884 euros net par mois. C'est net, hein, c'est-à-dire que l'Élysée pourvoit aussi assez frais de bouche et autres, hein, et ça on le connaît. Mais c'est moins que Sarkozy qui s'était donné une augmentation de... Il avait augmenté de 140% ses revenus. Mais parlons par exemple du gouverneur de la Banque de France. L'institution bancaire a dévoilé en 2017 le salaire grassouillet de son gouverneur, François Villeroy de Gallo, 285 358 euros bruts par an, auquel s'ajoute une indemnité de logement confortable de 5 653 euros par mois, ainsi qu'une enveloppe annuelle de 46 500 euros qui lui est versée en tant qu'administrateur de la Banque des règlements internationaux, BRI. Au total, son salaire culmine à 37 580 euros bruts mensuels. Bon, ce n'est pas le million d'euros et quelques de certains privilégiés du système. On peut aussi citer d'autres chiffres, mais je ne veux pas m'étendre trop sur ces chiffres. Le vice-président du Conseil d'État, qui a surtout, je pense, un rôle plus honorifique que vraiment pertinent, à 65 ans, alors que d'autres prennent la retraite, Bruno Le Serre a quitté la présidence de l'autorité de la concurrence pour piloter la plus haute juridiction administrative, un poste qui couronne sa carrière de conseiller d'État et lui assure une augmentation. 16 170 euros mensuels contre 14 800 précédemment. Donc là, on a vu des salaires qui augmentent, hein, des revenus qui augmentent, et qui sont bien supérieurs à ceux du président de la République. Le président du directoire du Grand Paris, a un fixe de 300 000 euros bruts et d'une part variable sur objectif pour un valet jusqu'à 60 000 euros par an. Donc on reste dans des chiffres très conséquents. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ex-porte-parole du candidat Macron, Arnaud Leroy, a été nommé en mars. Son salaire se compose d'un fixe de 130 000 euros bruts et d'un variable de 26 000 euros maximum par an. Voilà quand même, on peut penser quand même que ces postes-là, bon, même si c'est à responsabilité, on pourrait quand même regarder son salaire par rapport aux agents qui font bien leur boulot de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie avec des salaires très, très bas. Voilà de quoi méditer un petit peu au cours de cette journée. Hein. Je crois qu'il faut faire aussi le parallèle, je le disais dès le départ, avec des revenus extrêmement imposants, vertigineux, quelquefois de plusieurs millions d'euros par an, qui sont pratiqués dans d'autres domaines et qui sont particulièrement opaques, parce qu'on connaît mal le revenu de certaines capitaines d'industrie, de joueurs professionnels ou autres. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée, je le disais, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.